Alors, ça va? C'est parfait, formidable. Pas trop chaud? Non, non. Content? Impeccable? Oh! Oh! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Laissez... Ouvrez-moi! Oh! Oh!